J'ai ralenti pas ma journée. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai fait une crise d'épilepsie, j'ai plein de boutons sur le visage, les messieurs m'ont dévoré cette nuit, j'espère que j'ai pas la bonne, je me sens fiévreux, combattuée, oula, j'ai grossi, ma petite bedaine est devenue un mastodonte, je me rends baissé et un bouton sort de la culotte, je me commande, je fais une pirouette, pas de bol, je me cogne contre la porte, ça n'arrache pas ma tête. Aujourd'hui, les opérations séduction seraient des missions impossibles, pourtant j'en aurais eu besoin, ma femme vient de m'appeler pour me plaquer. Légèrement déboussolé par les événements, je plonge dans ma voiture, le visage boursouflé. Direction mon job que j'adore. Pas de bol, mon pneu crève. Je dois stationner sur la bande d'arrêt d'urgence. Je me sens maudit, je me sens étanche au facteur chance. Mon compte est aussi sec qu'un désert, je suis encore à découvert, je désespère. Je me sens maudit, je me sens étanche au facteur chance. Mon compte est aussi sec qu'un désert, je suis encore à découvert, je désespère. Je préviens mon patron, je lui présente mes excuses de retard. Sa réponse m'étourdit. Vous inquiétez pas pour ça, de toute façon, vous êtes viré. Il m'explique qu'il doit réaliser des réductions d'effectifs. Effectivement, il y a la crise, j'oubliais. Change ma roue, maintenant je suis plus pressé. Et je repars en centre-ville. Sur le chemin, je vois une annonce d'une entreprise qui recrute. Je les appelle hélico. La roue se met à tourner, ils acceptent de me rencontrer. Je décroche un entretien d'embauche, je ressens une explosion de motivation. Seul hic, incident technique sur le métro. Résultat, je mets trop de temps. Mon espoir s'effondre. On va faire pâlir un Jamaïcain, un culturiste me jette. Pourquoi tu me regardes, toi? Le clash, on va éviter, sinon ton bol. Son corps sera criblé, j'ai dû accélérer le pas. Je décide de prendre l'avion pour voir ma famille et me remonter le moral. Pas de bol, aucun vol, à cause d'un soi-disant nuage de cendres. Ils ont une sacrée imagination. J'en ai assez d'être humain, j'ai envie de me réincarner en aigle royal, en cobra royal. Je me sens maudit, je me sens étanche au facteur chance. Mon compte est aussi sec qu'un désert, je suis encore à découvert, je désespère. Je me sens maudit, je me sens étanche au facteur chance. Mon compte est aussi sec qu'un désert, je suis encore à découvert, je désespère. Je dis bonjour à tout le monde, mais personne ne me répond. Je vois tout le monde, mais personne ne me voit. Erreur, un cambrioleur en roller saute un pick-up et intercepte tel un pickpocket mon sac à dos. La mise en scène est hollywoodienne. Je continue de me balader dans un parc. Je sors mon baladeur, je me sens moins seul. Un groupe de jeunes s'approche. Ils me prennent pour un autre. Je dois avoir un sosie qui est un faible pour provoquer les groupes de sketchers hyper testostéronés. 5 minutes plus tard, j'ai perdu mon portefeuille, mon baladeur, mes vêtements. Mais j'ai gagné des bleus, des balafres et des fractures. C'est cool la vie. Dans une allée, je vois des produits qui m'intéressent. Je négocie les prix quand soudain, un serpent assez honnête sort de la manche du vendeur à la sauvette. J'ai vu toute ma vie défiler. Je me sens maudit, je me sens étanche au facteur chance. Mon compte est aussi sec qu'un désert. Je suis encore à découvert, je désespère. Je me sens maudit, je me sens étanche au facteur chance. Mon compte est aussi sec qu'un désert, je suis encore à découvert, je désespère. J'ouvre le courrier, histoire de me changer les idées. J'aurais pas dû, les factures me ceinturent, j'ai l'impression que l'oppression affecte ma respiration. Le resto, c'est même pas la peine d'y penser. Donc j'ouvre une boîte de conserves, chez moi, seul, très seul. Même la télé vient de me lâcher. Et j'ai pas d'animaux, je suis allergique. Donc je mange, seul, jusqu'à ce que j'aperçoive une énorme araignée se promenant tranquillement dans mon silicone caréné. Mon appétit s'envole, dans ma bonne humeur d'ailleurs. C'est la goutte d'eau, le vase déborde. Je vais me sucher, je crois que c'était pas ma journée. Je me sens maudit, je me sens étanche au facteur chance. Mon compte est aussi sec qu'un désert, je suis encore à découvert, je désespère. Je me sens maudit, je me sens étanche au facteur chance. Mon compte est aussi sec qu'un désert, je suis encore à découvert, je désespère.